Mardi 31 mars, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Bien entendu, on va discuter art visuel à l'émission. Aujourd'hui, on discute avec Jonathan Villeneuve autour de son exposition « Après moi, le déluge » qui est présentée à l'œil de poisson. Jean-Pierre Gay viendra nous voir pour nous parler des œuvres qui sont exposées à la lunetterie du Faubourg, ou plutôt de la lunetterie du Faubourg comme galerie, si vous voulez, forme de galerie alternative. Également, on rencontre Amélie Laurence-Fortin, directrice de regard, ainsi que Christina Patry et Rosalie Boutin, deux étudiantes finissantes du DEC en art visuel du cégep de Lévis-Lauzon, qui font partie de la première exposition définissant parcelle identitaire. Je le dis tout de suite, ce sont des étudiantes à moi. J'ai déjà un coup de cœur pour la chose et j'avais bien envie de vous parler de cette exposition d'artistes du cégep qui est présentée en centre d'artistes, une occasion quand même assez rare. Également, Raymond Poirier viendra nous faire la revue de presse et le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonjour! Bonjour. Ça va bien? Ben oui, très. Pas trop dans une fatigue post-radioton marathon de 3 jours? Oui, je pense que ça va prendre encore quelques jours pour s'en remettre. C'était vraiment une fin de semaine assez folle, merci. Voilà, puis tu nous as fait une suggestion comme d'habitude. Cette semaine, on écoute Hertz et Metec. Oui, c'est deux artistes qui ont collaboré. Hertz nous vient de la ville de Pacifica en Californie et Metec nous vient de la Suède. J'ai pas de détails sur sa ville exacte. Il nous propose l'album Void Where Prohibited. C'est donc de la musique électronique. C'est assez hypnotique, assez abstrait. Il y a des petites touches de field recording, donc musique électronique assez mystérieuse. C'est publié sur l'étiquette Murmure Intemporel, une étiquette spécialisée dans la musique expérimentale. Puis c'est ça, c'était ma découverte de la semaine. Ben voilà, on t'en remercie. Puis on peut aussi t'écouter à Web Musique les dimanches à 19h. C'est bien ça. Voilà, donc on écoute tout de suite un extrait suggéré par Simon. C'est la pièce des Laughs. Je recommence des Laughs Despite the Disclaimer sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour. Donc, tu as pris une pause cette semaine, la semaine dernière. Tu m'as même tout fourni la revue de presse. Par contre, je t'en remercie grandement, mais je te dirais que je suis pas à ta hauteur, Raymond. J'ai pas le naturel et la simplicité de ta gestion des revues de presse. Et on commence avec un dossier qui a été fort peu traité de manière générale. En fait, je suis tombé là-dessus sur le site du collectif, en fait, d'un regroupement de collectifs d'artistes autogérés et de regroupements d'artistes autogérés également. Donc, qui lance un signal d'alarme à la direction du Conseil des arts du Canada en lien avec l'édition dans le domaine de l'art. Je sais que c'était un de tes sujets la semaine dernière, notamment les publications, magazines, ouais, livres et le reste. Et on dit, et je cite, « L'édition, si essentielle à la recherche, à la diffusion et à la critique dans le milieu de l'art, a été terriblement mal desservie par les programmes de subventions offerts par les services des arts visuels et des lettres et éditions. Les résultats sont manifestes, les magazines sont en faillite, des centres d'artistes et des galeries universitaires cessent de publier, des librairies ferment leurs portes, les organismes sont de plus en plus contraints à choisir entre un changement de mandat ou la perte de leur financement. » Alors, on rappelle évidemment au fil de la lettre qui est rédigée à l'intention de Simon Brault, donc le responsable du conseil. qu'évidemment, ben, l'édition d'art qui englobe autant la production d'ouvrages physiques, numériques et temporels qui servent d'œuvres d'art, de documents primaires, de documentation, de textes critiques est essentielle à la production, à la diffusion des œuvres artistiques, à la réflexion autour de la production des œuvres. Donc, on rappelle évidemment l'importance de tout ça et on explique, ben, avec différents exemples, qu'est-ce qui peut représenter les failles dans le mode de financement actuel. On donne l'exemple des magazines Philip et Fuse, réputés pour leur contenu critique et leur approche expérimentale. Je cite, qui ont été récemment pénalisés pour avoir tenté d'adapter de façon innovatrice et durable leur format face aux restrictions budgétaires. Donc, désormais, on dit, ben, ils se sont adaptés, donc ils ne sont plus éligibles au financement, donc leur financement a été coupé. On donne l'exemple aussi de centres d'artistes comme YYZ, d'Azibao ou encore J'ai vu, qui ne demandent plus de financement auprès du programme parce qu'aucun auteur ne leur est exclusivement associé et donc de ce fait qu'ils ne peuvent respecter les critères du Conseil des arts du Canada. Alors essentiellement, ils demandent de ni plus ni moins. Ce serait vraiment des critères à mettre à jour, oui. Là, carrément. Ben, en fait, les critères d'aujourd'hui ne sont plus représentatifs des réalités de l'édition et donc finalement, ça fait un programme qui est de moins en moins sollicité puis un milieu d'édition qui est de moins en moins dynamique parce que justement, l'argent n'est plus au rendez-vous. Bien, on met ça dans la pile de dossiers à suivre en espérant qu'il y ait un suivi relativement rapide. Oui, en fait, ce sera à voir parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de suite autour de ça, évidemment, autour de cette lettre. Ah oui, à date du 10 mars quand même. Oui, donc c'est pas récent. Là. Sinon, peut-être un peu plus récent, d'avril à décembre 2015, il y a 8 artistes québécois et artistes français qui vont investir des espaces importants de la création contemporaine dans les deux régions, donc de Québec et de Nantes, par l'entreprise d'un programme de carte blanche ou de résidence de création. C'est une initiative de la Manif d'art. Alors, en mai, juin, juillet, des artistes de Québec comme Jocelyn Robert, Diane Landry, Frédéric Laliberté, Geoffrey Poirier, Frédéric Hamelin, Richard Martel, Charles-Étienne Brochu et Josiane Roberge qui vont être invités à aller séjourner à Nantes. Et à l'automne 2015, ben, c'est au tour des organismes de la Ville de Québec d'accueillir des artistes de la région nantaise. Alors, ce sera intéressant de voir, évidemment, la résultante de tout bien ça. Bien sûr. On parle maintenant beaucoup de remises de prix. En fait, j'ai l'impression qu'on arrive c'est le printemps, c'est le printemps, donc c'est l'autre vague de prix. Alors, notamment, il y a la fondation de la famille Claudine et Stephen Bruffman qui ont décerné mi-mars à l'UQAM les bourses Bruffman en art contemporain. Toujours intéressant de voir, en fait, les noms à surveiller du côté de Montréal. On parle quand même de bourses de 60 000 $ chacune, donc des bourses quand même assez prestigieuses. Alors, les lauréats, c'est Myriam Jacob-Allard de l'Université du Québec à Montréal et Velibor Bozovic de l'Université Concordia, donc finissant la maîtrise dans les deux cas. Et évidemment, on explique cette bourse-là par la nécessité d'une implication dès le départ dans la carrière des artistes. Donc, si on veut fortifier la scène, mais il faut avoir des gens qui sont en mesure de travailler dans des conditions optimales mais pour développer leur pratique. Alors, c'est toujours évidemment des programmes assez intéressants. Autre prix qui a été remis, on reste du côté de Montréal, c'est le mieux pilon 4D Art qui a remporté le 30e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal. Alors, pour marquer la 30e édition, le Conseil lui remettait une bourse de 30 000 $. Alors, qui sont-ils? Ben, je cite un peu les communications officielles. On dit, se joint avant l'heure des frontières entre les disciplines artistiques, ce prolifique duo a connu une année faste en créativité avec une programmation exceptionnelle. Ils ont donné le coup d'envoi à la Biennale internationale d'art numérique de Montréal. Ils ont présenté un peu partout, évidemment. Et donc, ben voilà, on parle d'ambassadeur à l'image de la vitalité artistique de Montréal et de son foisonnement. Alors voilà. Et petite dernière. Encore un prix? Encore des prix. On reste là-dedans, décidément. C'est les prix du gouverneur général en art visuel. Évidemment, je fais fi là, des prix hors Québec. On va être un peu chauvin puisque le temps nous restreint quand même un brin. Mais par contre, sur le Facebook de l'émission, vous avez la liste complète. Donc, allez simplement à facebook.com/l'aérospatiale. Vous allez trouver tous les textes et nouvelles et ces informations-là. Et évidemment, en plus, Facebook étant ce qu'il est, vous pouvez réagir aussi directement. Puis on attend vos réactions. On les adore. Toujours intéressant. Alors, ben, qui a gagné? C'est la conservatrice montréalaise Wiz Derry, l'artiste en art multimédiatique Raphaël Lozano-Hemmer et l'artiste écrivain et compositeur Robert Racine. Donc, ils font partie des 8 récipiendaires de ce prix du gouverneur général du Canada en art visuel et médiatique. Alors, ben, Wiz Derry qui se voit attribuer le prix pour sa contribution exceptionnelle au domaine des arts visuels, que ce soit comme enseignante, surtout comme commissaire d'exposition. Elle en organise une trentaine partout dans le monde. Raphaël Lozano-Hemmer, lui, est connu pour ses installations multimédia. À Montréal, en fin 2011, notamment, il y avait eu une intersection articulée, 18, donc conçue pour la place des festivals. Et Robert Racine, lui, a publié plusieurs romans, réalisé des dizaines d'œuvres et installations artistiques, dont l'îlot des commencements qui est en permanence dans le vieux Montréal. Voilà, ben félicitations à cette à cette pléiade d'artistes. Raymond, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi à la vie en BD, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le festival de la BD francophone à Québec arrive à grands pas? Oui, on porte un regard sur le volet événementiel du festival, donc plusieurs rencontres avec des artistes et performeurs. Donc plusieurs expositions, on peut peut-être aller sur ton blog, c'est lavieenbd.wordpress.com? Oui. Voilà, donc si vous aimez les expositions BD, c'est l'occasion. On fait une pause et retour, on discute de l'exposition Parcelle identitaire qui est présentée à Regard. C'était un extrait de l'album Void Where Prohibited de Hertz et Metek, une suggestion de Simon Roy. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le lien pour les téléchargements gratuits, les liens à l'émission disponible en balado-diffusion, les liens également pour la revue de presse de Raymond Poirier sur le site laérospatiale.wordpress.com, donc le blog de l'émission. Sur ce, on se tourne vers la rive sud, vers Regard, puisque, ben, je l'ai dit en début d'émission, mais je l'aurais dit quand même, j'éprouve une certaine fierté. J'ai 14 étudiants qui exposent en ce moment à la galerie, au centre Regard, pardon, une exposition qui s'appelle Parcelle identitaire. Pour en parler avec nous, la directrice de Regard, Amélie Laurence-Fortin, bonjour. Allô Julie, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Également, deux étudiantes donc qui finissent au DEC en art visuel au cégep de Lévis-Lauzon, Christina Patry, bonjour. Bonjour. Et Rosalie Boutin, bonjour. Bonjour. Peut-être en commençant, je vais me tourner vers vous dans quelques instants. Les filles, j'ai envie de demander à Amélie Laurence-Fortin, pourquoi faire exposer les étudiants du Cégep de Lévis à Regard. C'est pas une pratique qui est très courante, là. On m'a dit que c'était arrivé, je pense, une fois à Rouyn-Noranda. Bien, à Chicoutimi, ils le font. Ah depuis ouais? depuis peut-être 2 ans maintenant. Okay. Donc, c'est pas au une lobe? Pratique... Non, pas au lobe, à Bagne. Okay. Donc, c'est pas une pratique irrégulière. Seulement, c'est surtout pas une pratique régulière dans les grands centres. Donc, on voit ça moins à Québec ou à Montréal. La raison pour laquelle je me suis retournée cette année pour permettre aux étudiants d'avoir cette expérience-là, parce que c'est une expérience extraordinaire, ben c'est oui. une expérience super stressante, pleine d'enjeux, avec le défi de donner quelque chose de vraiment excellent au public, c'est parce que depuis 2 ans, le Centre Regard permet aux étudiants du Cégep, les finissants de chaque année, de présenter le travail, mais plutôt dans les lieux externes oui, à la galerie. L'espace commun, là. L'espace commun. Puis l'année passée, c'était la première fois que je voyais l'exposition dans cet espace-là, puis j'ai pas aimé ça. Donc, comme on... T'aimais pas ça parce que tu trouvais que c'était pas, ça rendait pas justice aux œuvres. Exactement. C'était pas un contexte optimum. Exactement. Ça rendait pas justice aux œuvres. On n'avait pas la meilleure lumière. On n'avait pas le meilleur espace, le meilleur aussi encadrement, puis non plus la meilleure publicité. Ouais. Donc, je trouvais intéressant de proposer ça, surtout aussi parce que, à Regard, on a des espaces libres entre les expositions, puis c'était pour moi la meilleure façon de le combler, puis de donner la chance à ces étudiants-là de rentrer dans un contexte professionnel, quelque chose que moi, quand j'étais au Cégep, j'ai pas eu accès. Donc, c'était de redonner au suivant. Puis, les filles, dites-moi, je sais pas laquelle va répondre, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez su que vous alliez exposer dans un milieu vraiment professionnel, comme le Centre Regard? Ben c'est sûr que c'était le fun de savoir qu'on allait exposer là, mais en même temps, il y a la pression de savoir, OK, je peux pas mettre n'importe quoi, ça met une pression personnelle, mais une pression qui est super saine puis qui nous pousse à nous dépasser. Puis je pense que ça a vraiment donné des belles affaires. Puis c'est le fun de pouvoir expérimenter c'est quoi exposer dans un lieu professionnel avec des gens professionnels puis de pouvoir faire un vernissage et tout ça. Donc c'était vraiment le fun de savoir comment ça se passe sur le terrain, vraiment. Parce qu'il faut dire, au Cégep de Lévis, il y a une petite galerie, mais c'est pas non plus là, une galerie très... très professionnel, là, disons-le comme ça, de voir vos œuvres dans ce contexte-là. Christina, ça t'a fait quoi, toi, avec l'éclairage, la mise en espace, le lieu, l'ambiance? Ça a vraiment été spécial. C'est sûr que nous, par rapport à ce qu'on avait déjà vécu, on exposait seulement, en fait, au sein de l'école, dans un petit local. Donc, c'est sûr que c'était pas du tout la même procédé. Là, c'était beaucoup plus professionnel. Donc, de voir ça vraiment dans un milieu où est-ce que on était vraiment mis dans un milieu plus professionnel, en fait, professionnel tout court. Ouais. C'était vraiment spécial parce que ça mettait vraiment nos œuvres plus en valeur. Qu'on sentait vraiment qu'on était mis au sein de ce milieu-là, ce qui n'avait pas été le cas auparavant, en fait. Ça a vraiment été une belle expérience par rapport à tout ça. Là. Puis toi, Christina, est-ce que tu as ressenti la même pression que Rosalie à dire, ben, faut vraiment que je fasse quelque chose de pertinent, là, parce que le lieu où je vais exposer, c'est un lieu pertinent, justement? Oui, c'est certain. C'est sûr qu'on est toujours comparé par rapport à ce que les autres font. On ne veut pas être celui qui va faire quelque chose de moins pertinent ou juste de moins intéressant que les autres. Tu sais, on veut quand même attiser l'œil du spectateur pour vraiment justement qu'il vienne nous voir puis qu'il nous pose des questions, qu'il soit intrigué par ce qu'on fait. Donc c'est sûr que par rapport à ça, on va se le cacher entre nous, puis on se le dira pas, mais on a toujours ce petit souci-là, en fait, de faire quelque chose qui est intéressant. La volonté de performer aussi, oui, là, d'être absolument à la hauteur de la situation. Ça aussi, là, c'est pas fréquent là, d'avoir ce niveau-là de professionnalisme à atteindre. Non, exactement. Amélie, comment tu trouves ça, les œuvres? Parce que, bon, là, j'imagine qu'il y a eu... Ben, j'imagine, en fait, je le sais, là. Je l'ai vu aller un peu... J'enseigne l'histoire de l'art, mais je voyais ça aller à côté. Comment tu trouves, les œuvres, puis la collaboration avec les étudiants? Je vais commencer par la collaboration. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est, dans ma perspective, c'était vraiment de permettre à ces étudiants-là ou au groupe qui allait être le plus engagé dans l'organisation de se responsabiliser. Donc, d'entrer dans la machine. Cette machine-là qui a l'air de rien, mais qui est vraiment complexe puis rigoureuse. Donc, ça a été une partie que j'ai vraiment appréciée, j'ai vraiment aimé faire avec tous ceux et celles qui se sont impliqués activement dans le processus. Comme une question de coaching aussi, ouais, là, de ta part. Tout à fait. C'était vraiment du coaching à la fois pour le commissariat, donc comment qu'on organise l'espace, comment qu'on place les œuvres l'une à côté des autres, comment qu'on pense l'espace par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, comment qu'on fait pour laisser la juste valeur de chaque œuvre, respirer une à côté des autres, parce que c'est pas super évident. Puis surtout quand on est au cégep, c'est peut-être on se voit plus nous qu'on voit les autres. Ouais. Donc cet exercice-là, je l'ai trouvé vraiment vraiment passionnant. J'ai adoré faire ce coaching-là. Puis ensuite faire le suivi. Donc j'ai vu les œuvres évoluer. Oui, parce que tu allais faire des tours, là. Je sais, tu es passée au cégep, tu as rencontré les étudiants. Oui, je suis passée. Toutes les étapes ont été faites, donc de l'idéalisation, donc du moment où les étudiants et les étudiantes savaient ce qu'ils voulaient faire, mais n'étaient pas tout à fait rendus là. Ensuite, dans l'atelier, comment ça avait l'air. Puis ensuite, finalement, la réalisation finale dans la galerie, puis j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Extraordinaire parce que, justement, il y avait tout cet encadrement-là de... Bon, l'accrochage, on le pense d'avance. Donc, si on passe l'accrochage d'avance, ça veut dire que l'œuvre est un petit peu plus finie. Mm-hmm. Donc, tous ces petits détails-là ont permis aux œuvres des étudiants d'être complètement fabuleuses. Moi, je suis enchantée. Et les filles, dites-moi, je pense que toutes les deux, là, vous étiez impliquées là, justement dans les comités de communication et de commissariat. C'est qui faisait le commissariat, Rosalie, je pense? T'étais dans l'équipe. Comment vous avez trouvé ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de grands formats, puis il y a un espace quand même restreint dans la galerie. Est-ce que ça a été un casse-tête de placer les œuvres une à côté des autres? Comment vous avez réfléchi ça? Oui, ben ça a été une belle expérience, stressante en même temps. Puis, vous êtes avec un petit sourire. Ouais, de... c'est ça. Parce que plus le temps avançait, plus il y avait des défis qui se montraient à nous. Mais je pense qu'on s'en est bien tiré, cela dit. Mais moi, c'était super intéressant de voir l'envers de la médaille. Parce que quand on visite des expositions, les toiles sont déjà là. Tout est déjà fait pour le spectateur. Tout mais est là, pensé d'être... qu'on ne voit pas le dispositif ouais, c'est derrière. Ça. Mais là, tu sais, il faut aller réfléchir jusqu'au tout début, savoir, bon, mes projections, où est-ce que je les mets pour qu'ils soient en valeur, quel espace je leur accorde. Fait qu'on a beaucoup appris par rapport à ça, puis Amélie nous a beaucoup guidés par rapport à ça. Puis on n'a pas juste fait un plan, par exemple, de l'exposition. On a fait plusieurs options, fait que, tu sais, ça nous a vraiment donné une belle expérience d'apprendre. Puis toi, de ton côté, Christina, t'assurais le travail de communication. Ça devait pas être toujours évident, là, avec un groupe de 14 personnes, des profs, la galerie. Tu devais jongler un peu? Non, c'est ça, effectivement. En plus, tu sais, on avait quand même un beau défi parce que je veux pas, faut rendre ça attrayant. Faut mettre aussi toutes les informations qu'on a à notre disponibilité sur l'affiche, aussi les partenaires, les commanditaires et tout ça. Et ça a été, justement, par rapport à ça, une belle contrainte qu'on avait. Puis il a fallu, justement, s'entendre à trois pour essayer que ça soit le plus professionnel, que ça convienne justement à tous les critères qu'on avait. Mais aussi de s'entendre sur le titre de l'exposition. Déjà, ça, c'était un beau défi. Ben oui, peut-être tu pourrais nous en parler. Parcelle identitaire, qu'est-ce qui a guidé votre choix? On sent qu'il y a beaucoup de vous-même derrière ça, mais j'imagine qu'il y a plus. Oui, c'est ça, exactement. En fait, nous, on s'est vraiment penché sur le fait qu'on était un groupe uni, qu'on avait une belle unition en tant que groupe, mais qu'il en demeurait pas moins, en fait, qu'on est tous des individus très différents, puis que nos projets sont assez différents aussi par le fait même. Fait que par ce fait-là, on a voulu parler de la parcelle pour représenter chaque individu, en fait, comme parler justement de cette identité-là. En fait, c'était vraiment sur les notions là, sur lesquelles on voulait jouer pour notre exposition. J'ai envie de parler de vos œuvres. Vous êtes là, on peut bien parler. Christina, tu présentes, je pense, ces conventions. Oui, c'est ça, c'est, exactement. C'est une sculpture pour l'instant, oui. Mais c'est la première partie d'un projet qui est appelé à se développer lors exactement. De votre exposition de finissant. Je le dis comme ça, qui va être présentée en mai à la Galerie Louise Carrier. Oui, c'est ça. En fait, moi, je voulais justement parler de l'aspect corporel. Parce qu'on a souvent justement tendance à parler de la beauté idéale. Puis de vraiment mettre ça comme une convention. Fait que quand on regarde, mettons, des photos fashion ou de mode, on voit vraiment comme des femmes qui se ressemblent, tu sais, qui sont minces, qui sont grandes. C'est standardisé. Oui, là. Exactement. Donc, moi, je voulais comme déstandardiser ça en prenant des gens de Lévis qui vont justement poser dans le cadre de des photos dans ma deuxième partie du projet. Donc là, pour le moment, en fait, je voulais comme créer les accessoires qui vont mettre en place ça, en fait, toujours en reprenant justement l'idée de la beauté, voyons, la beauté idéale, ouais. En fait. Fait que c'est ça, j'avais comme mis en place deux sortes de structures, en fait, qui venaient comme justement faire ce mélange-là entre la beauté idéale puis les imperfections. Fait ouais. Vraiment jouer avec ça puis montrer, en fait, les deux côtés de la médaille. Donc, c'est vraiment un projet à suivre. Oui, exactement. Si je me trompe pas, Rosalie Boutin, c'est la même chose pour toi aussi. Je pense que le titre de ton œuvre, je dirais, ces deux grands tableaux. Mm-hmm. Je pense que c'est Avoir les couilles d'être soi-même. Oui, c'est ça. Puis c'est un titre assez, assez punché pour une œuvre, assez punché aussi. Oui, c'est ça. Ben, ça, justement, comme tu le dis, c'est assez punché. C'est, ben, je me penche sur la liberté, mais par le biais de la transsexualité. Parce que j'ai un ami qui a fait ce choix-là, ben, qui prend des hormones depuis octobre. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Puis je voulais prendre un temps d'arrêt sur cette transition-là que je trouve vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui décide de prendre une décision pour soi-même, peu importe ce que les autres vont en penser, il décide d'être authentique. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a inspirée. Puis c'est ça qui a donné suite à mon projet. C'est intéressant parce que Christina parlait de convention puis de beauté idéale. Je trouve qu'il y a un lien comme ça qu'on peut faire entre vos œuvres, justement. Donc, ton ami qui fait fi, finalement, des conventions, qui dit « Ouais, moi, je fais complètement à ma tête. » Je dirais que c'est dans nos deux projets, ça se rejoint avec l'idée d'authenticité qui nous passionne les deux, je pense. Vous en étiez-vous parlé de ça? Aviez-vous réalisé ça? C'est moi qui vous le... Non, c'est là que ça se passe. Voilà, en direct, mardi 31 mars, on parle d'authenticité, les liens entre les œuvres de Christina Patry et Rosalie Boutin. Peut-être, en terminant, nous glisser un mot sur ce qui s'en vient, parce que là, l'expo, elle est jusqu'au 12 avril. J'ai la bonne date, oui? Amélie me fait signe que oui. Là, on parle de votre exposition 1, donc c'est comme la mise en branle, si vous voulez, vers votre exposition finale qui aura lieu à la galerie Louis Carrier. Quand? Ça va être le 13 mai pour le vernissage. Ah oui, donc là, vous avez un mois et demi pour refaire tout ce processus-là pour une exposition. Ça va être la course au relais. Ben oui, hein. Puis dis-moi, Amélie Laurence Fortin, est-ce que tu as envie que ça se reproduise à Regard, une exposition comme ça? Tout à fait. On est déjà en négociation avec le Cégep Lévis-Lauzon, le département des arts. C'est une expérience extraordinaire. C'est magnifique à voir ça. C'est une des meilleures parties de la créativité dans un processus d'artiste. Cette partie-là est tellement riche. Ça me fait un grand, grand, grand plaisir d'avoir ça chez nous. Ben, tu nous communiques aisément ton enthousiasme. Je le partageais déjà bien en main. J'espère qu'on aura réussi à le partager aux auditeurs. Amélie Laurence-Fortin, directrice de Regard, merci. Ça fait plaisir. Christina Patry, Rosalie Boutin, étudiante finissante au DEC en arts visuels au Cégep de Lévis-Lauzon. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on a l'occasion d'aller voir votre exposition, comme je le disais, à Regard jusqu'au 12 avril. On fait une pause. Retour, on discute avec Jean-Pierre Gué. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre grande générosité ainsi qu'à la collaboration de nos commanditaires suivants. La Commission de la Capitale-Nationale, la CEDEC de Québec, le Musée de la Civilisation, l'Orchestre Symphonique de Québec, le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Québec, Sion le Disquaire, les éditions Michel Lafon, monlimoilou.com, le Triplex Suspendu, l'Épicerie Européenne, la Boîte à Pain, Bugel, la fabrique de Bagel, Sushiniki, la boutique Le Pédalier, le resto-bar Cécile et Ramon, le Sacrilège, la quincaillerie Saint-Jean-Baptiste, Seb's Thé et Lange, le Chicho Café, Parballon, le restaurant Ashton, le Café Babylone, Vaisselier de la Capitale, Amassane Le Masseur, François Angers Graphiste, Solotech, Chapiteau Tentation, Dessert, Sanimax. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. CKRL tient à remercier tous ces bénévoles, auditeurs et artistes qui, encore une fois cette année, ont contribué au rayonnement et à la réussite du Radioton. La Boîte à Pain vous invite à l'ouverture officielle de sa troisième boulangerie artisanale le 1er avril prochain dès 6h30. Située dans les nouveaux condos Azimut au coin de la route de l'église et du chemin Sainte-Foy, la Boîte à Pain poursuivra sa mission de produire des pains artisanaux frais, des pizzas et calzones cuits au four à bois, une sélection variée de sandwichs, soupes, quiches et salades, dans un décor original avec toujours le même service raffiné. Des surprises vous attendent le 1er avril à l'ouverture de la nouvelle boîte à pain située au 2836 Chemin Sainte-Foy. Renseignez-vous au 88 914 11 33, boiteapain.com ou visitez notre page Facebook. se déplacer en autobus de Beauport vers le centre-ville, jouer dans la neige dans son arrière-cour à Charlebourg, faire le grand ménage du printemps dans son appartement du Vieux-Port, raconter sa ville au fil de ses souvenirs, de ses quartiers. Voilà le défi donné à 11 BDistes pour l'exposition Histoire de quartier. Découvrir leur regard croisé sur Québec au fil de 11 histoires originales du 1er au 11 avril 2015 à l'espace Galerie Sherpa, 130 boulevard Char-Est. Entrée libre. Histoire de quartier, 11 visions sur la capitale et ceux qui y habitent, présenté dans le cadre du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec Première Ovation et CKRL. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Tous les jeudis, du 26 mars au 23 avril, Limoilou en vrac présente les deuxièmes rendez-vous musicales. Une belle occasion d'apprécier le talent des groupes de la relève de la capitale. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % au restaurant Pub Le Dorset, 65 rue de Buade, à Québec. dorsetrestaurant.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous, et je suis accompagnée de notre collaborateur de longue date. Hein, ça fait déjà 5 ans, non, 7 ans, 8 ans, Jean-Pierre, qu'on collabore ensemble. Oh mon Dieu! Moi, depuis, à l'aérospatiale dans ton temps, oui, toi oui, maintenant. Oui, vice-versa, oui, oui. On est ensemble depuis très longtemps. Voilà, on est ensemble depuis très longtemps. Non, pas avant Raymond, par non. exemple. Non. Dis-moi, Jean-Pierre, tu me parles d'un sujet qui peut paraître un peu inusité oui. parce que on n'a pas l'habitude de parler de lunetterie dans l'émission. Moi, bien en fait, une lunetterie, hein, c'est un endroit où tu vas ajuster tes yeux. Puis les yeux sont super importants en art visuel. Si tu vois pas les œuvres, t'as un méchant problème. Ouais, les arts visuels, justement. Et on dirait que les propriétaires de cette lunetterie, qui est la lunetterie du Faubourg, qui est dans Saint-Jean-Baptiste, qui est dans mon quartier, que je côtoie depuis des années. Et là où moi-même, j'ai acheté mes lunettes. Puis moi, étant donné que je suis un partisan de acheter local, ben c'est certain que c'est ma lunetterie. Et j'ai remarqué à chaque année, à chaque fois que j'y allais, qu'il y avait des œuvres d'art. Et c'est un choix délibéré depuis le début. Ils sont installés dans le quartier en 2001-2002. Et ça a été vendu depuis ce temps-là. Mais ceux qui ont suivi ont toujours maintenu cette politique d'avoir toujours des artistes locaux. Pas nécessairement toujours du quartier, mais de Québec, ben ouais. qui expose là. Donc, moi, ça me touche beaucoup parce que je trouve que c'est une bonne façon pour des gens de s'intégrer dans un quartier qui est un quartier où, évidemment, les arts sont importants, ouais. où les mouvements sociaux, où le dialogue, le propos, les échanges. La vie de quartier, la vie de quartier, tout ça est important. Donc, eux ont... Et l'art est très présent dans Saint-Jean-Baptiste, comme dans Saint-Roch, mais dans Saint-Jean-Baptiste aussi depuis plus longtemps. Alors, eux, ils ont choisi ce quartier-là puis ils ont décidé de s'intégrer en présentant toujours des artistes. Et dernièrement, je suis allé puis j'ai vu qu'il y avait encore des artistes que je connaissais pas. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé puis que j'ai voulu témoigner de cette lunetterie qui s'appelle Lunetterie du Faubourg, qui est au 718 rue Saint-Jean dans Saint-Jean-Baptiste. Et, c'est ça. C'est un choix qu'ils ont fait. J'ai rencontré Sophie Savard, qui est pas une artiste, qui est une optométriste d'ordonnance, là, opticienne d'ordonnance, pardon, mais qui s'intéresse aux arts et qui aime beaucoup les arts. Et c'est elle à qui les patrons ont donné le mandat d'animer, de faire la sélection, d'organiser ce projet-là. Ah. Donc, j'ai une petite entrevue avec elle, quelques minutes avec elle, où, justement, elle parle de l'origine de ce projet-là, de son rôle là-dedans, puis de l'importance que ça a. Sophie, bonjour. Bonjour. Comment est venue cette idée de présenter des artistes dans une lunetterie? L'idée vient des anciens propriétaires. Donc, depuis l'ouverture ici en 2001, ils ont décidé justement d'exposer des œuvres sur les murs dans le but de faire connaître des artistes. Et le nouveau propriétaire, qui s'appelle Gaétan Paquette, a décidé de poursuivre la tradition. On a trouvé que c'était une bonne idée, donc on a continué, tout simplement. Ça fait quoi, une dizaine d'années que ça existe ici comme lunetterie? Ça l'a ouvert en 2001, précisément, donc en septembre 2001. Donc, ça fait 14 ans à peu près, là, oui. Donc, il serait passé combien d'artistes environ? On parle d'environ 3 à 4 artistes par année. Mm-hmm. Donc, on suppose là, plus de 40 artistes, là, oui, depuis l'ouverture. Comment ça se fait? Comment vous faites la sélection? Est-ce que vous recevez des curriculums, des CV? Comment ça se passe? C'est souvent du bouche à oreille, donc souvent des contacts des artistes qui exposent actuellement, donc viennent nous voir, nous proposent avec leur portfolio. Et puis à ce moment-là, ben on est quand même assez ouvert aux expositions, donc on refuse presque rien. Sauf ce qui peut être un peu trop osé ou trop agressif, disons, mais pour le reste, vraiment, là, c'est très simple comme sélection. On laisse la chance à tout le monde, là. Puis le fait qu'on soit dans Saint-Jean-Baptiste, qui est un quartier plus ouvert, j'imagine que ça vous donne plus d'ouverture aussi pour recevoir certains types d'œuvres. Oui, tout à fait. C'est ça, les gens ici, c'est des gens qui aiment connaître des nouvelles choses aussi, donc ça nous aide beaucoup. Les expositions, donc, si on reçoit 3 ou 4 artistes par année, ça veut dire que ça dure à peu près 3 mois? Oui, c'est ça. Ça va être entre 2 à 4 mois selon les expositions. Et j'ai vu l'autre jour qu'il y avait un petit bouton rouge sur une des œuvres. Est-ce que ça veut dire que c'est possible, donc, de vendre? Oui, tout à fait. Donc, chaque œuvre a le détail, dans le fond, le titre de l'œuvre, le prix. Et puis, les gens qui sont intéressés vont contacter directement l'artiste. Et à ce moment-là, on met un petit collant rouge pour indiquer que c'est vendu, là. Ouais. Donc, ils viennent les récupérer à la fin de l'exposition. Mais ce qui veut dire que vous ne prenez pas un pourcentage là-dessus? Non, on prend pas de pourcentage, ça va entièrement à l'artiste. Donc, nous, en fait, le fait d'avoir justement un décor qui change, pour nous, c'est satisfaisant. Donc, c'est vraiment pour permettre, c'est pour permettre une visibilité, dans le fond, aux artistes, là. Ouais. La clientèle, comment elle réagit par rapport à ça? La clientèle adore ça. Donc, ils nous passent souvent le commentaire. Des fois, ils vont nous dire justement là, qu'est-ce qu'ils trouvent de cette exposition-là, s'ils aiment ça, tout ça. Et le fait que c'est changeant aussi, ils aiment beaucoup ça, ils trouvent ça intéressant. Il faut dire que les lunettes, à la base, il y a un côté artistique aussi, mm-hmm. donc ça plaît beaucoup à notre clientèle. Puis vous, d'avoir à travailler dans un univers où il y a à la fois, bien évidemment, des lunettes et tout ce qui va avec, mais aussi des œuvres d'art, comment ça se passe? Nous, c'est sûr qu'on trouve ça très plaisant, parce qu'encore là, c'est le côté mode, le côté art, et ça nous fait connaître, nous, parce qu'on... Honnêtement, on ne connaît pas beaucoup ce qui est côté art, là, tout ce qui est... En fait, tous les médiums utilisés, on n'est pas connaissant dans le domaine, donc ça nous permet, nous, de connaître des nouvelles choses et de connaître aussi des artistes, d'être en contact avec eux. Ça nous plaît beaucoup. Et justement, le fait que le décor change aussi, c'est plaisant. Ça habille nos murs, donc ça apporte un petit côté aussi un peu plus dynamique au commerce. Et là, vous avez un artiste qui expose ici maintenant? Oui, actuellement, elle s'appelle Marie-Soleil Bouchard. Son nom d'artiste, c'est Kirkov. Donc, c'est une inspiration un peu autochtone. Je ne vais pas trop m'avancer là, sur d'où vient son idée, mais donc c'est ça, c'est fait sur des planches de bouleau. C'est très joli. Donc, c'est ça. Donc, cette exposition-là va se terminer bientôt. Mm-hmm. Et là, par la suite, il va y avoir une nouvelle exposition là, pour le printemps qui va être sur nos murs. Quelques noms d'artistes qui sont passés ici? Il y a entre autres Annie Lévesque. Il y a aussi Cynthia Coulombe-Bégin, qu'on connaît de plus en plus à Québec, une artiste qu'on aime beaucoup. Il y a aussi Joanne Lemay, qui a exposé ici. Il y a Pierre Bouchard, Carole Roy. Et bien d'autres, bien entendu, là, dont j'ai pas là, les noms devant moi, mais c'est tous des artistes qu'on aime beaucoup. Là. Certains qui sont plus connus que d'autres aussi. Mm-hmm. Là, donc, on a beaucoup d'exposants qui ont passé ici là, depuis le début. Là. Ben, merci beaucoup, Sophie. Ben, ça fait plaisir. C'est bon. Belle rencontre, Jean-Pierre. Ouais, ben moi je trouve ça intéressant. Tu sais, je viens de vivre une expérience avec le Cercle des collectionneurs de Québec, où on parlait notamment de vivre avec l'art. Tu sais, on a chez nous, on était un certain nombre de collectionneurs là, qui avons présenté nos affaires. Puis j'ai eu entre autres l'occasion de parler de qu'est-ce que c'est que de vivre avec des œuvres d'art dans une maison, tu sais. Puis moi, j'en ai quand même pas mal. Puis j'ai une petite maison, fait que je suis toujours collé dans mes œuvres d'art. T'as la face dans l'art à journée longue. Tout là. Le temps, puis ça me déplaît vraiment pas. Et eux, ils ont fait le choix de travailler avec de l'art. Tu sais, d'avoir dans leur milieu de travail, plutôt que d'avoir des reproductions de grandes œuvres, tu sais, ils ont des œuvres d'artistes d'ici, là, puis celle qui est là, c'est Kirkov, une artiste qui vient du Grand Nord, puis qui a une imagerie proche des Amérindiens. Il y a quelque chose qui est très proche des racines, des peuples primitifs ou autochtones, puis il y a beaucoup de symbolique. Donc, tu sais, ils vivent avec ça dans un magasin qui vend des lunettes. Ben ouais. Tu sais, c'est pas paradoxal, c'est que ça peut se vivre, je pense. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans ça. Puis Sophie le dit elle-même, elle n'est pas une spécialiste, mais elle vit avec ça, puis elle accepte de vivre avec ça, puis ça change un petit peu son milieu de travail. Moi, je trouve ça vraiment bien. Que ça se passe comme ça, puis que ça arrive. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de reproductions d'œuvres connues. Là, on achète ça dans les magasins là, d'encadrement, là, des reports sur toile de vieilles affiches ou de fleurs dans un vase ou ben moi, le premier, d'images anonymes. Moi, la première chose que je me suis procurée il y a très longtemps, là, ben, c'était une reproduction de Lemieux. Puis, moi, je pensais que c'était une œuvre originale. T'sais, imagine, je connaissais rien à l'époque, mais j'avais ça dans ma maison chez moi. C'était un Lemieux. Là, puis, le bonhomme qui était en trois étapes de sa vie. Bon. Je trouvais ça intéressant, l'imagerie qu'il y avait là-dedans, mais il reste que c'était pas une œuvre d'art originale, c'était une reproduction, puis bon, qui avait été dit. Alors, vivre avec des œuvres d'art originales, je trouve que c'est une occasion de côtoyer des personnes qui ont des choses à dire et qui ont des choses à montrer. Puis, bon, dans le cas qui est ici, c'est une artiste qui vient du Nord du Québec, et qui parle de ses racines, qui parle de ses influences, qui parle de la vie insulaire, de l'art primitif. Il y a toute une symbolique aussi dans son travail. C'est pas banal que d'avoir ça dans une lunetterie. Là. T'es pas avec des choses qui sont très, très, très représentatives puis très claires. Là. Voilà, ben Jean-Pierre Gay, merci beaucoup. Ben merci, je trouve, à la lunetterie Saint-Jean-Baptiste, c'est au 700, la lunetterie du Faubourg, c'est au 718 rue Saint-Jean. Puis tu disais aussi, là, on apprend que l'exposition se termine bientôt, donc j'imagine qu'ils doivent recevoir des dossiers. Oui, ben oui, puis c'est le temps, là, et d'ici quelques semaines, ils vont changer l'exposition, fait que s'il y a des jeunes artistes ou des artistes aguerris, là, qui ont le goût de se présenter dans un autre contexte, qui est aussi très populaire, ben je pense que c'est une belle occasion pour eux. Voilà, c'est le temps de se lancer. Merci Jean-Pierre Gay. Ah, merci. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de la pièce « Distance Predicts the Future » sur les ondes de CKRL. C'était un extrait de l'album Void Where Prohibited de Hertz et Metek. On est toujours à l'aérospatiale et là, on va faire un petit tour dans l'esprit à tout le moins à l'œil de poisson puisqu'on va discuter de l'exposition Après moi, le déluge de Jonathan Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Peut-être en commençant, est-ce que ce serait possible de contextualiser un peu le projet de cette exposition-là? Parce que je sais que c'est le résultat d'une résidence au National Music Center de Calgary et que c'est en lien aussi là, avec les inondations de la Bow River. Oui, c'est ça. L'été dernier, en juillet, j'ai été à Calgary au Centre national de la musique, qui est un musée qui possède une grande collection d'instruments de musique autant historique comme des clavecins que plus récents comme une grande collection de synthétiseurs. Généralement, ils invitent des musiciens pour qu'ils viennent faire de la composition originale sur leur collection. Mais c'était la première fois qu'ils invitaient un artiste visuel à venir en résidence. Et c'était un an après deux ans après les inondations de 2012 où comme tout le reste du centre-ville de Calgary, eux, ils ont été affectés par le déluge. Une grande partie de leur collection a été endommagée. Puis lorsque je suis allé en résidence, on m'a donné accès à un entrepôt rempli d'instruments de musique qui ne pouvaient plus être réinsérés dans la collection, mais que je pouvais moi utiliser pour dans ma pratique où je partie de mon travail où je fais des sculptures, des instruments inventés. Ça devait être particulier quand même comme visite, hein? À la fois cette espèce de terrain de jeu puis de multiples possibilités, mais en même temps toute la tristesse de voir ces instruments-là ruinés. Oui, mais en même temps, il y en a quand même beaucoup qui sont restés. Ouais. C'est drôle que tu me le dises comme ça, mais j'étais surtout, moi, très content de pouvoir y avoir accès parce que s'il avait été encore en bon état, on ne les aurait pas laissés. Je pense que pour moi, il y avait plus de joie que de tristesse, mais effectivement, pour un amateur, ça pouvait effectivement être juste un point de vue. Puis, dans le fond, j'imagine, est-ce que tu allais là-bas spécifiquement pour cette partie-là de la collection, justement, là, qui avait été brisée, ou c'est venu en cours de route? J'avais obtenu une exposition à la galerie Stride. Oui. Allô? Oui, bonjour. OK, oui, c'est beau, ça a coupé. Donc, une exposition à la galerie Stride? Oui. Puis en cours, il m'avait déjà invité à venir faire une exposition. Puis en cours il y a eu un délai premièrement à cause d'un an à cause de l'inondation. Puis en cours de processus, ils m'ont offert cette opportunité-là d'aller en résidence au Centre national de musique, en plus de joindre ça une commande d'œuvre. Donc j'ai pu réaliser à partir de deux instruments. J'en ai encore d'autres à l'atelier sur lesquels je veux continuer à travailler pour des pièces futures. Mais dans ce cas-ci, j'ai réutilisé deux harmoniums. OK. Un orgue pneumatique qui fonctionne un peu sur le même principe qu'un accordéon, mais qui est un clavier d'orgue, donc pneumatique, que j'ai transformé, qui devient comme le moteur finalement d'un type de canot de sauvetage mélangé avec un skidoo. Bref, c'est plaisance et urgence ensemble. Le spectateur est invité à aller s'asseoir dans le canot puis à pédaler pour faire jouer la mélodie que j'ai. En fait, c'est pas trop une mélodie, c'est assez sinistre. Je vais laisser le spectateur aller découvrir par lui-même. Ah oui, donc on ne dit pas le titre des pièces. Je ne sais pas, vous êtes allé voir l'exposition? Oui, je suis allé voir l'exposition. Je me suis documenté aussi là, sur les origines du projet et tout. J'ai expérimenté les deux œuvres. D'ailleurs, celle dont tu parles, là, j'ai vu, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici aussi, mais je pense que c'est Lifesaver. Exactement. Exactement. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment comme une dynamique particulière où il y a la dimension plaisir, la dimension ludique à travers l'œuvre. On y participe, c'est attrayant avec ce parasol, la chaise de plage, avec les skis, donc, de cette espèce de canot-là, finalement. Mais en même temps, il y a quelque chose du drame qui a été vécu aussi en Alberta, là. Oui, puis aussi du sauvetage impossible, parce qu'on s'entend que si je le mets à l'eau, le canot il va couler à pic. Ouais. Donc, c'est comme une sorte de d'optimisme face à la catastrophe, si on veut, qui était aussi en lien avec le fait que cette rivière-là qui a débordé, généralement est assez inoffensive, elle traverse la ville, puis la fin de semaine, les gens qui habitent Calgary, ils prennent des bateaux gonflables, style Canadian Tire, puis ils se mettent à la queue avec de la bière, puis ils descendent la rivière la fin de semaine. Ah ouais. Moi, en visite, je vois ça, puis c'est assez amusant, en fait, mais de voir la contradiction à quel point ça peut être une source de un passe-temps inoffensif versus ce que ça peut créer comme ravage et déluge aussi, tout ce qui vient avec ce que ça peut comporter, le déluge, vraiment dans la façon dont le directeur de la collection là-bas, pendant la semaine où on était ensemble, où il faisait parcourir son terrain de jeu, finalement, bien, il me racontait à quel point c'était un sauvetage, puis que comment il avait passé d'un endroit à l'autre, il y a un train qui est tombé, tu sais, c'était vraiment un film catastrophe. Ah ouais, hein? Tu sais comment ça reste dans l'imaginaire de collectif, comment dans 100 ans ils vont encore en parler comme le grand déluge, ce qui est arrivé au Saguenay, ou bref, le verglas, cette dimension-là de catastrophe, mais de laquelle on souffre. En bout de ligne, on a comme des mécanismes aussi pour passer en mode urgence, puis en bout de ligne, lui, il rentrait tous les soirs chez eux en banlieue, puis il faisait un barbecue avec tous ceux qui l'avaient aidé pendant la journée sur son patio. Ah, la vie continue malgré tout. Exactement. Il y a quelque chose de kitsch un peu dans ça, je trouve. Oui, oui. Dans l'exposition aussi, il y a un autre instrument, c'est Sérénade. Oui. Qui est fait, là, j'ai vraiment senti qu'on était en Alberta, là, parce que c'est fait à partir d'un vieux tonneau de pétrole, là. Ben, il y a un lien qui va être fait, mais j'ai commencé à travailler sur ce projet-là en 2012. OK. Qui était... cette sculpture-là, je la voyais déjà comme un personnage dans un court-métrage qui allait en fait être la genèse de la fabrication de cette machine-là, qui est une machine à musique, mais construit avec des matériaux bruts récupérés, des bouts de machinerie. Fait qu'il y a comme une contradiction entre l'espèce de séducteur de la sérénade qui a vu nous jouer, mais le rendu qui est oui, kitsch, qui est rough, mais en même temps qui a un côté fonctionnel. Mais on se demande c'est quoi la fonction, mais est-ce qu'elle vient du fait qu'elle est faite à partir d'objets récupérés qui, eux, l'étaient? Bref, il y a comme un jeu qui se produit là. Un jeu aussi qu'on peut voir justement dans Life Saver. Tantôt, tu disais, tu sais, on pourrait jamais flotter avec cette embarcation-là, et pourtant, tu sais, c'est une embarcation, donc il y a vraiment un détournement des fonctions, là. Oui, c'est ça. Puis oui. Sérénade est accompagnée aussi d'une... Je ne sais pas si je pourrais dire documentaire ou à tout le moins d'une vidéo où on voit un genre d'Elvis là, très, très content de son fusil, de son gun flamboyant qui tire sur le tonneau. Donc, comme tu disais tantôt, la genèse là, de la création de l'instrument. Oui, c'est un court-métrage que j'ai fait en collaboration avec Thierry Marceau. Puis Nelly-Ève Rajotte aussi à Cameron. On est allés les trois à Saint-Jean-Port-Joli dans le cadre d'une résidence à Est-Nord-Est. Puis on a vraiment bien travaillé ensemble. On a filmé ça en 3 jours. Ensuite, j'ai travaillé sur le montage puis le son pendant l'année qui suivait la résidence. Puis à Calgary, c'est la première fois que je pouvais finalement montrer les pièces ensemble. Puis aussi l'impression numérique qui est au mur, qui elle, est... un plan isométrique, un peu comme un plan Lego de l'assemblage de Sérénade qui puis un premier essai sur quelque chose que je veux essayer d'amener sur des projets que j'ai déjà fait justement pour donner accès à cette partie-là du travail qui a beaucoup à voir avec un genre d'artisanat à la chaîne ou de côté patenteux un peu aussi là. Ça, tous les gestes d'assemblage qui sont posés dans le processus de la fabrication du travail, puis qui portent pas nécessairement de marques caractéristiques de ma main là, qui pourrait mm-hmm. Ça fait image générique un peu. Ça donne une liste de matériaux puis elle peut être faite par n'importe qui. Donc cette espèce d'idée là de donner accès à comment la machine est faite par l'entremise de cette impression là. Peut-être en terminant, parce qu'il nous reste une ou deux minutes, on n'en a pas parlé encore, mais je pense que c'est quand même assez important dans l'exposition. On a parlé de dimension ludique, mais j'ai trouvé qu'il y avait une dimension ludique aussi au fait que pour activer les instruments, il faut déposer $1 et tourner pas nécessairement, mais à tout le moins déposer $1. Pourquoi? Pourquoi faire, entre guillemets, payer pour activer les instruments? Ben puis en plus il y a un gros sentiment d'insatisfaction de la part du public semble que j'en donne pas assez pour ce que je demande, mais ah ouais? C'est intéressant aussi comme proposition du fait que généralement c'est ça, cette culture-là est gratuite, mais là on nous demande de payer, donc ça nous fait peut-être poser la question sur combien on est prêt à payer, c'est quoi qu'on a en retour, qu'on a déjà payé pour. Mais il y a aussi le fait que c'est intéressant comme mode d'interaction. C'est une interaction, mais dans le fond, c'est une switch on-off. Ça pourrait être un bouton, ouais. Ça pourrait être un senseur. Mais là, il y a comme cette dimension-là arcade ou même... les machines à bonbons, là, tu sais. Tu sais, le petit jouet, là, le petit cheval à bascule à la sortie de l'épicerie, là. Mm-hmm. On voulait tout le temps embarquer dessus. En tout cas, moi, je voulais tout le temps embarquer dessus en sortant l'épicerie, puis ça coûtait une pièce, mais j'en avais jamais. Fait que j'ai toujours regardé, mais j'ai jamais vraiment essayé. Donc, il y a peut-être cette possibilité-là aussi, si vous venez à Galerie, puis vous n'avez pas de pièce, mais vous allez l'avoir, mais vous n'allez pas éviter. C'est ça, ou à tout le moins, il faut être là pendant que quelqu'un active les œuvres, mais bon, on n'a pas tout à fait le même regard que si c'est nous qui pédalons sur Lifesaver. Hein? Non. Voilà. Il faut quand même garder un rythme assez constant, oui. Que Julien, donc, encore là, elle apprend de la pratique en plus. L'autre, on peut rester plus passif. Ouais. Mais il existe aussi en tant qu'objet. Si, ben oui. C'est intéressant, justement, que ce ne soit pas nécessairement sur un senseur de mouvement où il y aura un déclenchement surprise aussitôt que quelqu'un arrive. Je trouve que ce n'est pas nécessairement satisfaisant comme option. Là, ici, il y a un choix. C'est un essai. Et je me permets aussi peut-être que la sérénade, la première fois que je l'ai présentée, c'était avec un senseur de mouvement. Puis justement, j'étais vraiment pas satisfait de la façon de l'activer. Tandis qu'ici, je trouve que ça fonctionne. C'est un peu comme un jukebox. Oui, oui, oui. Mettre une pièce pour entendre une toune. Voilà. Ben c'est tout le temps qu'on a. Jonathan Villeneuve, merci beaucoup. Merci. Je termine en disant aussi là, que tu travailles sur, je pense que c'est le Grand Bleu du Nord, hein, l'œuvre publique là, à l'intérieur de l'amphithéâtre. Donc, on va suivre ça. On aura certainement l'occasion de s'en reparler à l'aérospatiale. Donc, merci beaucoup. Donc, Jonathan Villeneuve présente Après moi, le déluge à l'œil de poisson jusqu'au 26 avril. C'est déjà tout le temps qu'on a. Je vous laisse sur les ondes de CKRL. Je remercie Jacques Gignac, les collaborateurs, puis je vous souhaite une belle soirée.